Salut, c'est Fawn. Aujourd'hui, un nouveau podcast. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, du coup, je reprends petit à petit là. Avant de commencer le podcast, je t'invite très fortement à regarder le formulaire qui est en description du podcast, si tu es sur iTunes ou si tu es sur PodCloud. Mais si tu as des questions par rapport à la création, des choses comme ça, ou tu aimerais me faire part de tes expériences et essayer de comprendre quelque chose, et que tu aimerais que je t'aide, je t'y répondrai volontiers. Du coup, laissez vos questions dans le formulaire et on en reparlera au prochain podcast. Maintenant, on va parler d'un problème que beaucoup d'artistes peuvent toucher aujourd'hui. Ça m'a touché dès le début que j'ai commencé à dessiner sur Internet, tout ça. Mais ça peut toucher tous les artistes ou tous les créateurs, toutes les personnes qui veulent créer quelque chose sur Internet. C'est le fait de savoir se faire remarquer par les gens et savoir se faire entendre. Je dis bien. On peut penser que c'est la même chose, se faire remarquer, se faire entendre, mais j'estime qu'il y a une petite nuance entre les deux, il y a quelque chose de différent. Donc je pense que savoir se faire remarquer, c'est plus dans le sens enfin, te montrer, genre, montrer aux gens que tu existes, que tu es là, enfin, c'est. Imaginons que, en fait, c'est savoir se faire remarquer, c'est comme une enseigne de publicité dans la rue, tout ça. Tu vois un gros panneau avec un Big Mac dessus du McDo. Et savoir se faire entendre, c'est savoir faire le pa passer le bon message. C'est-à-dire, t'as un Big Mac, tu sais directement que c'est McDo, c'est de la bouffe, t'as le prix en dessous. C'est ça le message, c'est que t'as un Big Mac à 10 balles. Et savoir se faire remarquer et savoir se faire entendre, c'est pas deux choses évidentes. Je pense qu'on peut peut-être avoir plus de facilité à se faire remarquer qu'à se faire entendre. Il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre ce que tu fais quand tu commences sur Internet. Mais ça, c'est un point, on y reviendra bien plus tard dans les podcasts. Mais déjà, on va aborder le point de se faire remarquer. Et se faire remarquer, c'est quelque chose de pas très évident. Et pourtant, c'est pas si difficile que ça quand on y pense, vraiment. Je pourrais te montrer en deux étapes ou en trois étapes que tu peux très facilement te faire remarquer sur Internet avec le temps. Parce que oui, enfin la recette elle est simple. Se fait remarquer, c'est en produisant un tout petit peu tous les jours sur Internet, en produisant quelque chose de nouveau. Et c'est là où rentre toute la complexité de la chose, c'est que pour savoir se faire remarquer, je pense que tu dois quitter un peu ta zone de confort, montrer aux gens que tu es capable de prendre X choses pour en faire une autre. Et c'est là, genre, si je pouvais te donner un exemple, c'est comme si aujourd'hui tu ne savais pas jouer du piano, mais que tu sais jouer de la guitare, et que tout d'un coup tu te dis que tu vas prendre un piano et que tu vas essayer de jouer du piano, et essayer de faire quelque chose de joli avec. Et c'est là où on arrive au prochain point, c'est prendre quelque chose de nouveau, le comprendre et en faire quelque chose de joli. Et c'est comme ça qu'on peut se faire remarquer parce que les gens ne s'y attendent pas en fait. Les gens sont habitués à que tu fasses quelque chose, ou qu'ils voient quelquefois que tu joues de la guitare, imaginons. Mais à partir du moment où ils verront que tu commences à faire du piano de manière purement autodidacte, ils vont être intéressés. Et ça, c'est un moyen de se faire remarquer. En fait, même en soi, l'art, ou tout ce que tu feras dans ta vie de manière passionnelle, fais-le sans t'arrêter jusqu'à que ce soit joli. Si tu veux apprendre le piano aujourd'hui, fais-le jusqu'à que t'en puisses plus et que ce soit joli pour toi. Essentiellement pour toi. Et quand tu verras ce que tu feras sera joli, que les gens penseront apprécier, bah, ils vont commencer à apprécier parce qu'ils seront intéressés par ce que tu fais, ils verront ta passion derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part dans cette planète qui attend ton art, qui attend la suite de tes œuvres, qui attend, ou même qui attend une nouvelle découverte et qui va sûrement tomber sur toi par hasard. Du coup, lance-toi aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur moyen de commencer une passion et de pouvoir la partager. Concrètement, moi quand je fais du piano, quand je fais du dessin de manière purement libre, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais tous les jours. Et c'est ça qui fait toute la valeur de ce que je fais aujourd'hui, c'est que je sais pas ce que je fais, mais je le fais putain de tous les jours. Je le fais sans m'arrêter. Je le fais matin, midi, soir, parce que j'aime faire ça. Après bon, c'est pas obligé de faire ça tous les jours. Non, pas, je veux dire, pas tout le temps, mais faire tous les jours, c'est vraiment un bon point, j'estime. Et c'est là tout l'art de savoir se faire remarquer. Et fais quelque chose que tu aimes. Essaye d'inclure des nouvelles personnes dans ton truc. Faut pas que t'ailles chercher les gens. Les gens viendront à toi de manière purement naturelle. Si tu postes un peu tous les jours, si ce que tu fais, tu l'aimes. Et tu as envie de continuer dans cette voie et que même plus tard, tu arriverais presque à en vivre. Enfin, littéralement à en vivre parce que tu te referas. Tu transformeras ta passion en une sorte de métier. Et ce sera littéralement le cas. C'est concrètement aujourd'hui mon objectif, c'est ça, c'est transformer mes passions en un métier de quoi vivre plus tard. J'ai tout un planning qui peut-être ne marchera pas, ça je comprends, mais tout un système pour que d'ici un point fixe, je me démerde pour me casser. Et c'est là le truc, il faut que tu aies un objectif derrière aussi. Pour savoir se faire remarquer, c'est que derrière tu as un message à faire passer. Et c'est de ça qu'on va parler demain. Et demain, on va parler de savoir se faire entendre. Savoir se faire entendre. Désolé, j'ai bugué un peu aujourd'hui. Je reprends le podcast petit à petit parce que j'ai eu un peu de la peine ces derniers jours. Un autre point aussi, avant que j'en parte, c'est que n'oubliez pas, il y a le formulaire. Si vous voulez vous poser vos questions de manière purement anonyme, et si vous voulez avoir des réponses, que je me démerde pour que je vous donne des réponses, ça me permet aussi de savoir qu'est-ce que veut mon audience, à quoi elle s'intéresse, et comment on peut progresser tous ensemble. Du coup, je vais m'arrêter sur ce petit podcast. On se retrouve demain à 9h pour un autre podcast sur comment savoir se faire entendre étant artiste. Allez, à plus.